J'ai oublié de vous apprendre comment demander à quelqu'un de faire quelque chose. Comment dire « fait » hein? L'ordre à l'impératif. Alors, commençons par « faites ». Par exemple, comment direz-vous à quelqu'un que vous voyez « faites une réservation » Aga. Encore une fois. Aga. Aga, oui, une réservation. Una reserva. Aga una reserva, oui. Hein? Et si vous tutoyez votre interlocuteur, ça sera... A una reserva. Effectivement. Hein? Logiquement, ça devrait être A. Hein? H, A. Mais, à l'oral, ça pourrait être confondu avec le A, hein? H, A de haber. Hein? Comme dans... A preparado, il a préparé. Ou avec a, hein, a tout court, qui veut dire a vers, comme dans a Madrid. Hein, à Madrid. C'est pour ça que pour dire fait, donc quand l'ordre de faire s'adresse à quelqu'un qu'on tutoie, on ajoute un z final et ça donne af. Af. Af. Hein, af, c'est un cas particulier. Hein, ce z sert à distinguer cette forme de l'impératif du « a » de « a preparado » et du « a » de « voy a Madrid ». Alors, comment direz-vous « fais-le » ? « Hazlo ». « Hazlo », hein, d'accord, « hazlo hein. ».« Hazlo », c'est « fais-le », tandis que « ne le fais pas », ça sera « no lo hagas ». ».